Question 21. Je désire aller à Bordeaux. Face à cette signalisation, je reste dans cette voie. Réponse A. Je me rabats à droite. Réponse B.